Chapitre 9e. Cet entretien jeta Adolphe dans un grand embarras. Jusqu'à présent, quand il avait pensé qu'il aurait un jour un enfant, il s'était dit que sa mère en serait la marraine. Cela paraissait si bien indiqué qu'il n'avait pas pu avoir une autre idée. C'était écrit, c'était obligé. Mais les observations de sa femme lui avaient fait apercevoir des considérations qui, jusqu'alors, ne s'étaient point présentées à son esprit. La question n'était pas aussi simple qu'il l'avait cru, et les raisons de sa femme, qui lui paraissaient excellentes alors qu'elle les lui donnait, lui parurent tout à fait décisives quand il les examina à tête reposée et les pesa. Évidemment, Madame Nélis avait autant de droit à être marraine que Madame d'Alifard. Si l'une était la mère du mari, l'autre était la mère de la femme. Mais tandis que l'une était riche, l'autre était pauvre, et cet argument, qu'il n'avait pas soupçonné, le touchait au cœur depuis que sa femme le lui avait présenté. On est tenu envers ses parents malheureux à des égards dont les heureux peuvent très bien se passer. Si cette raison était bonne pour sa belle-mère, elle était encore meilleure pour son oncle Ferdinand, qui n'était pas dans une situation pécuniaire plus prospère que Madame Nélis. Poursuivant la fortune avec une persévérance digne de succès, M. Ferdinand d'Alifard, qui remuait sans cesse des millions en paroles, en était réduit à la dernière extrémité. En ces derniers temps, il avait fini par mettre la main sur une affaire à peu près sérieuse, qui, pour donner des bénéfices considérables à ses fondateurs, n'avait plus qu'une dernière consécration à obtenir, l'admission à la cote de la Bourse de Paris. Ce qu'il avait d'activité, d'intelligence, d'intrigue, de courage, avait été employé à courir jour et nuit après cette fameuse cote. C'était à peine s'il avait eu le temps d'assister au mariage de son neveu, tant à ce moment il était affairé et enfiévré. « Nous aurons la cote, nous tenons la cote, toujours la cote !» Ce mot revenait plus souvent sur ses lèvres que sur celles des crieurs, qui devant le passage des panoramas répètent « Le cours de la bourse et de la banque, la cote, demandez la cote !» Escomptant le succès qu'il considérait comme certain, il avait même tout bas fait les plus belles promesses à sa nièce, en s'excusant de ne pas lui apporter son cadeau, qui était retardé jusqu'à l'époque où il aurait la cote, c'est-à-dire de quelques jours. Mais les jours s'étaient écoulés, les semaines avaient suivi les jours, et la cote n'était point venue. En pot de vin distribué dans les antichambres, en achat d'influence, en subvention de conscience, les ressources de l'entreprise avaient été dévorées les unes après les autres, et l'on n'avait pas pu palper l'argent des actionnaires avec le concours de messieurs les agents de change de la Bourse de Paris. C'était depuis quelques jours seulement que cette catastrophe était arrivée, et le malheureux faiseur en était encore écrasé. Le jour où toute espérance lui avait été enlevée, il était venu demander à dîner à sa nièce, qu'il avait prise en grande affection pour la tendresse qu'elle lui témoignait, et il lui avait confié son désespoir. Il était à bout de force, et il ne se sentait plus ni l'intelligence, ni la confiance nécessaire pour recommencer la vie à 60 ans, ayant usé dans cette dernière lutte ce qui lui restait d'énergie et d'activité. « Je renonce définitivement à la fortune », avait-il dit à Juliette, « et pendant que j'ai encore un habit sur le dos et des bottes aux pieds, je vais chercher une petite place pour y mourir tranquillement. » Mais dans mon malheur, ce me sera une consolation d'avoir votre tendresse et celle de mon neveu, qui est bon pour moi. Sans vous, j'aurais été faire un dernier tour sur le Pont-Royal, mais vous me rattachez à la vie par la famille. » Et il s'en était allé le soir, presque souriant, après avoir obstinément refusé tout ce qui ressemblait à un secours d'argent plus ou moins déguisé. « Non, non, » avait-il dit, « votre amitié à tous deux. Si vous saviez comme c'est bon, quand on est vieux, de se sentir soutenu par des cœurs jeunes et honnêtes. Fallait-il, dans des conditions pareilles, l'abandonner? Sans doute il ne se plaindrait pas, mais combien il serait heureux quand il verrait que cette famille à laquelle il se cramponnait le prenait pour être le parrain de son premier-né. Dans ce témoignage d'estime et d'amitié, n'y avait-il pas de quoi lui rendre le courage et la foi? C'étaient là des considérations qui pour Adolphe avaient une importance déterminante. Mais toucherait-elle Madame d'Alifard? Enfin, il fallait tenter l'aventure. Car pour tout le monde, pour sa femme, pour lui-même, pour sa belle-mère, pour son oncle, il était décidé à faire le possible. Seulement, il lui paraissait bizarre que pour une chose aussi peu sérieuse, on allait risquer d'allumer la guerre dans une famille. Et cependant, la chose se présentait de telle sorte qu'il n'était pas possible d'échapper à ce danger. Le lendemain matin, après que les premières affaires eurent été expédiées, il quitta sa place et vint s'asseoir à côté de sa mère. « J'ai une grande nouvelle à t'annoncer, » dit-il. « À propos de la maison ou à propos de nous ?»« À propos de nous. » »« Alors je la connais, ta nouvelle. Juliette est enceinte. »« Comment, tu sais ?»« Je m'en doute depuis quelque temps déjà. » Mais je n'en suis pas moins très heureuse d'avoir une certitude. Il faut que je fasse un cadeau à Juliette. Je t'assure qu'elle est assez heureuse. C'est égal. Je vais la remercier de nous avoir donné un enfant. Je vais lui offrir une voiture et un cheval. Car elle est tellement susceptible qu'elle fait des façons pour se servir de la mienne. Crois-tu que ce cadeau lui soit agréable? Oh, assurément. Je te remercie d'avance pour elle. Seulement, avant de penser à la mère, il faut penser à l'enfant. Et tout de suite, je dois te dire qu'il y a une question qui me préoccupe beaucoup, et c'est celle de la marraine et du parrain. « Comme tu me dis cela ?» interrompit Madame Dalifard. « C'est que, sérieusement, je suis très ému à la pensée d'aborder cette question, qui paraît toute simple et qui, cependant, est très délicate. À ne consulter que mes sentiments, je trouve que tu dois être la marraine. Mais à côté des sentiments, il y a des intérêts d'un autre ordre. Si tu es marraine, le parrain doit être pris dans la famille de Juliette, et précisément dans la famille de Juliette, il ne se trouve personne pour remplir ce rôle. Tandis que si nous prenions Madame Nélis pour marraine, nous pourrions d'un autre côté prendre mon oncle Ferdinand, et par ce moyen, les deux familles seraient également représentées, ce qui est à considérer. « Vraiment ?» interrompit Madame Dalifard. Adolphe se mit alors à expliquer longuement les raisons qui plaidaient la cause de Madame Nélis et de son oncle. Mais pendant qu'il parlait, sa mère ne l'écoutait pas. Elle avait pris une feuille de papier à lettres et elle écrivait. « Tu ne m'écoutes pas ?» dit-il en l'interrompant. « Si, va toujours. Seulement tout ce que tu me dis là a si peu d'importance pour moi que je vais au plus pressé. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, que tu prennes ou ne prennes pas celui pour parrain et celle-là pour marraine? Voilà vraiment une belle affaire. Si la qualité de marraine ajoutait quelque chose à ma qualité de grand-mère, je ferai valoir mes droits, et je pense que tu les respecterais. Mais cette cérémonie n'est qu'une pure cérémonie. Tu peux donc choisir Madame Nélis ou qui tu voudras, ça m'est bien égal. Je te dirai même que j'aime mieux ta belle-mère que tout autre. On peut être certain à l'avance que celle-là ne nous prendra pas le cœur de notre enfant par des cadeaux. Il en sera d'elle comme de ton oncle. Leur générosité ne sera pas à craindre. En réalité, ce sera à nous de faire des cadeaux à la marraine et aux parrains. Cela ne me déplaît point. Ce qui ne me déplaira pas non plus, ce sera de voir la mine de Madame Nélis au bras de ton oncle. Pour compère, un homme d'argent sans argent. Bien qu'elle soit habile à se parer des mérites de ceux avec qui elle est en relation, je crois que sa gloriole sera gênée pour trouver un prétexte à discours pompeux dans ton oncle. C'est donc entendu, tu peux inviter Madame Nélis et ton oncle. Adolphe respira avec un véritable soulagement. Cette négociation qui l'avait tant inquiété se terminait d'une façon inespérée. « Maintenant, dit Madame Dalifard, occupons-nous des affaires sérieuses. Voilà la lettre que j'écris à Françoise pour lui dire que je la prends comme nourrice. Une nourrice, mais c'est inutile. Juliette nourrit elle-même son enfant. C'est entendu, elle le désire et je le veux aussi. Je t'avais déjà parlé de Françoise. Oui ? Mais nous ne savions pas alors si Juliette était enceinte. Et nous ne savions pas non plus si elle voulait nourrir. Elle le veut, et cela est si naturel que je ne peux pas m'y opposer. Mais je m'y oppose, moi. Permets-moi de te dire que cela touche surtout Juliette, et que nous ne pouvons pas lui refuser ce qu'elle demande. Ah, nous ne le pouvons pas. » C'était la première fois que Madame Dalifard trouvait chez son fils une volonté résistante, nettement formulée. La colère la souleva, mais elle se contint. Puis, comme elle avait peur de se laisser emporter, elle déchira la lettre qu'elle avait écrite et sortit. Adolphe croyait avoir triomphé, il alla chanter victoire auprès de Juliette. Mais 3 jours après, il se rencontra avec le docteur Clos qui, par hasard, était venu voir Madame Dalifard. Médecin de la famille depuis longtemps, le docteur Clos, qui d'ailleurs était un homme de valeur, avait une manie, celle de considérer tous les Parisiens comme des avortons et des malades. À la première génération, le Parisien était guérissable. À la deuxième, il était condamné au rachitisme, à l'anémie, au tubercule, au scrofule, etc., etc. À la troisième, il n'existait plus de la bouillie dans les poumons et dans le cerveau. Naturellement, on parla de Juliette, qui était absente, et de sa situation. « Nous allons envoyer cet enfant-là à la campagne, » dit le docteur Clos. « Non, » dit Madame Dalifard, « ma belle-fille veut le nourrir elle-même. » À ce mot, le docteur Clos poussa des cris désespérés. Pendant une heure, il raconta des histoires effroyables sur les enfants nés de deux Parisiens, et il conclut en disant qu'il fallait absolument à l'héritier des Dalifards une nourrice campagnarde qui régénéra sa constitution parisienne. « Je ne la conseille pas, » dit-il, « je l'ordonne. » Adolphe, fort ébranlé, raconta ses histoires à Juliette, qui ne dit rien, mais qui, 8 jours après, le conduisit chez sa mère, où, par hasard, ils trouvèrent le docteur Libon. Celui-ci était pour la famille Nélis ce que le docteur Clos était pour la famille Dalifard, et entre eux il y avait la différence qu'il y a entre la nuit et le jour. L'un était bourru, l'autre était onctueux, l'un était paysan, l'autre était boulevardier. L'un voyait des malades partout, l'autre n'en voyait nulle part. Naturellement, le docteur Libon appuya Juliette, et pendant 1 heure et demie, il raconta des histoires pour démontrer que les mères devaient toujours nourrir leurs enfants. Cette lutte entre les deux médecins dura 3 mois, et les relations entre la belle-mère et la belle-fille reflétèrent, bien entendu, la physionomie de cette querelle. Au milieu de ce conflit, Adolphe, perdant la tête, était le plus malheureux des hommes. Enfin, le docteur Clos l'emporta en déclarant que si Juliette nourrissait, il ne répondait de rien. À elle seule, la responsabilité dans le cas de maladie chez l'enfant, affaibli et appauvri par sa nourriture. Ce fut avec un véritable désespoir qu'elle céda, mais enfin, elle céda. Elle se rabattit alors sur la layette, voulant tout coudre de ses mains. Mais elle était au travail depuis 8 jours à peine, quand elle reçut une magnifique layette, ce qu'on avait pu faire de plus beau et de plus riche. « C'est mon cadeau, » dit Madame Dalifard, « puisque je ne suis pas marraine, il faut bien que j'aie ma part. »